non, ça ne va pas recommencer. Moi, je n'en peux plus de ce boucan d'enfer. Quel joli boucan, bien au contraire. Ces maudits voisins me tapent sur les nerfs. Quel voisin charmant, tu exagères. Ont-ils à s'agiter, été comme hiver. C'est qu'ils ont beaucoup à faire. Je ne comprends rien, nos frères Pivert. Invite-les donc à prendre un verre. Et les frères Pivert, venez boire un petit verre. Ah, c'est pas de refus, après le boulot. Moi, je n'en peux plus de ce boucan d'enfer. Mais tu l'as déjà dit, mon grand-père. Si ça continue, je vais le dire au commissaire. Tu n'es qu'une langue de vipère. Petite insolente, épargne-moi tes commentaires. Va donc habiter dans le désert. D'ailleurs, toi aussi, tu m'exaspères. Eh bien, toi aussi, tu m'exaspères. Dis donc, toi, retiens ta langue. Un ton plus bas. Ou bien je t'étrangle. Espèce de lièvre mal peigné. Espèce de souris mal lavée. Sac à crotte, rêveur du dimanche, fais-la tout seul ta fête. C'est ça, pique-assiette, va-t'en. Répète. Vieille peau. Comment? Regarde, mon lapin, ce que j'en fais de ton rêve. Tiens, et tiens, prends ça dans les dents. Mon rêve. Des boulettes que j'en fais de ton rêve, des confettis que j'en fais de ton rêve. Même pas bon à empaqueter une botte de carottes, tu parles d'un rêve, un cauchemar, oui. Mon pauvre rêve. Et voilà. Retour à la case départ. Pour une fois qu'on ne s'ennuyait pas dans cette histoire. Finalement, c'est comme d'habitude. Chacun chez soi. Et ses lampions, toujours éteints. Triste Saint-Glinglin. Tiens. Et voilà maintenant que la pluie s'en mêle. Manquait plus que ça.